L'Heptaméron des nouvelles de la Roanne de Navarre, prologue. Le premier jour de septembre, que les bains des monts Pyrénées commencent d'entrer en leur vertu, se trouvèrent à ceux de Caudrès plusieurs personnes, tant de France que d'Espagne, les uns pour y boire de l'eau, les autres pour se y baigner, et les autres pour prendre de la fange, qui sont choses si merveilleuses que les malades abandonnés des médecins s'en retournent tout garis. Ma fin n'est de vous déclarer la situation, n'est la vertu des dix bains, mais seulement de raconter ce qui sert à la matière que je veux escrire. En ces bains-là demeurèrent plus de 3 semaines tous les malades, jusqu'à ce que, par leur amendement, ils conjurent qu'ils sans pouvoir retourner. Mais sur le temps de ce retour, vindre les pluies si merveilleuses et si grandes qu'il sembla que Dieu eût oublié la promesse qu'il avoit faite à Noé de ne détruire plus le monde par eau, car toutes les cabanes et logis du dit Caudrès furent si remplies d'eau qu'il fut impossible de y demeurer. Ceux qui estoient venus du côté d'Espagne s'en retournèrent par les montagnes le mieux qu'il leur fut possible, et ceux qui connurent à soi les adresses des chemins furent ceux que mieux échappèrent. Mais les seigneurs et dames François, pensant retourner aussi facilement à Tarbes comme ils estoient venus, trouvèrent les petits ruisseaux si fort creuses que à peine les purs ils guéillaient. Et, quand se vint à passer le gave béarnois, qui en allant n'avoit point 2 pieds de profondeur, le trouvèrent tant grand et impétueux qu'ils se détournèrent pour chercher les ponts, lesquels, pour n'estre que de bois, furent emportés par la véhémence de l'eau, et quelqu'un, cuidance rompre la roideur du cours pour s'assembler plusieurs ensembles, furent emportés si promptement que ceux qui les vouloient suivre perdirent le pouvoir et le désir d'aller après. Par quoi, tant pour chercher chemin nouveau que pour être de diverses opinions, se séparèrent, les uns traversèrent la hauteur des montagnes et passant par Aragon, vinrent en la comté de Roussillon et de là à Narbonne. Les autres s'en allèrent droit à Barcelone, où par la mer les uns allèrent à Marseille et les autres à Aigues-Mortes. Mais une dame veuve de longue expérience, nommée Oisil, se délibéra d'oublier toute crainte par les mauvais chemins jusque à ce qu'elle fût venue à Notre-Dame de Sérance, non qu'elle fût si superstitieuse qu'elle pensât que la glorieuse Vierge laissât la dextre de son fils où elle est assise pour venir demeurer en terre déserte, mais seulement pour envie de voir le dévot lieu dont elle avoit en oie parler. Aussi qu'elle estoit sœur que, s'il y avait moyen d'échapper d'un danger, les moines le devraient trouver. Et fait tant qu'elle y arriva, passant de si étranges lieux et si difficiles à monter et descendre, que son âge et pesanteur ne la gardèrent point d'aller la plupart du chemin à pied. Mais la pitié fut que la plupart de ses gens et chevaux demeurèrent morts par les chemins. Et arriva à Sérance avec un homme et une femme seulement, où elle fut charitablement reçue des religieux. Il y avoit aussi parmi les François 2 gentilshommes qui estoient aller au bain, plus pour accompagner les dames dont ils estoient serviteurs que pour faute qu'ils eussent de santé. Ces gentilshommes ici, voyant la compagnie se départir et que les maris de leurs dames les emmenoient à part, pensèrent de les suivre de loin, sans soi déclarer à personne. Mais un soir, estant les 2 gentilshommes mariés et leurs femmes arrivés en une maison d'un homme plus bandoulier que paysan, et les 2 jeunes gentilshommes logés en une borde, tout joignant de là, environ la minuit, oirent un très grand bruit. Ils se levèrent avec leurs valets et demandèrent à l'hoste quel tumulte s'estoit là. Le pauvre homme, qui avoit sa part de la paour, leur dit que c'estoit mauvais garçon, qui venoient prendre leur part de la proie qui estoit chez leurs compagnons bandouliers. Par quoi les gentilshommes, incontinent, prindrent leurs armes, et avec leurs valets s'en allèrent secourir les dames pour lesquelles ils estimoient la mort plus heureuse que la vie après elle. Ainsi qu'ils arrivèrent au logis, trouvèrent la première porte rompue, et les 2 gentilshommes, avec leurs serviteurs, se défendant vertueusement. Mais pour ce que le nombre des bandouliers estoit le plus grand, et aussi qu'ils estoient fort blessés, commençoit à se retirer, ayant perdu déjà grande partie de leurs serviteurs. Les deux gentilshommes, regardant aux fenêtres, vinrent les dames criant et pleurant si fort que la pitié et l'amour leur creux le cœur, de sorte que, comme deux ours enragés, descendant des montagnes, frappèrent sur ces bandouliers tant furieusement qu'il y en eut si grand nombre de morts que le deux mourants ne voulut plus attendre leurs coups, mais s'enfuirent où ils savaient bien leur retraite. Les gentilshommes, ayant défait ces méchants, dont l'host estoit l'un des morts, ayant entendu que l'hostesse estoit pire que son mari, l'envoyèrent après lui par un coup d'épée, et entrant en une chambre basse, trouvèrent un des gentilshommes mariés qui rendoit l'esprit. L'autre n'avait eu nul mal, sinon qu'il avoit tout son habillement percé de coups de trait et son épée rompue. Le pauvre gentilhomme, voyant le secours que ces deux lui avoient fait, après les avoir embrassés et remerciés, les pria de ne l'abandonner point, qu'il leur estoit requête fort aisée. Par quoi, après avoir fait enterrer le gentilhomme mort et réconforter sa femme au mieux qu'il peut, prendre le chemin où Dieu les conseilloit, sans savoir lequel il devoit tenir. Et, s'il vous plaît savoir le nom des trois gentilshommes, le marié avait nom Hircan, et sa femme Parlamente, et la damoiselle veuve Longarine, et le nom des deux gentilshommes, l'un estoit Dagoucin, et l'autre Saffredant. Et après qu'ils eurent testé tout le jour à cheval, advisèrent sur le soir un clocher, où le mieux qui leur fut possible, non sans travail et peine, arrivèrent et furent de l'abbé et des moines humainement receuses. L'abbaye se nomme Saint-Savin. L'abbé, qui estoit de fort bonne maison, les logea honorablement, et, en les menant à leur logis, leur demanda de leur fortune, et, après qu'il entendit la vérité du fait, leur disent qu'ils n'estoient pas seuls qui avoient part à ce gasto, car il y avoit en une chambre deux damoiselles qui avoient échappé pareil danger ou plus grand, d'autant qu'elles avoient eu affaire contre beste, non homme, car les pauvres dames, à demi lieue de sa perite, avoient trouvé un ours descendant de la montagne, devant lequel avoient prince la course à si grand haste que leurs chevaux à l'entrée du logis tombèrent morts sous elles. Et deux de leurs femmes, qui estoient venues longtemps après, leur avoient conté que l'ours avoit tué tous leurs serviteurs. Lors les deux dames et trois gentilshommes entrèrent en la chambre où elles estoient et les trouvèrent pleurant et conjurent que s'estoient Nomerfide et Hénasuite, lesquels, en s'embrassant et racontant ce qui leur estoit advenu, commencèrent à se réconforter avec les exhortations du bon abbé de Soestre ainsi retrouvé, et le matin ouïrent la messe bien dévotement, louant Dieu des périls qu'elles avoient échappés. Ainsi qu'ils estoient tous à la messe, va entrer en l'église un homme, tout en chemise, fuyant comme si quelqu'un le chassoit, criant à l'aide. Incontinent, Hircan et les autres gentilshommes allèrent au-devant de lui pour voir que s'estoient, et vers deux hommes après lui, le respect tiré, lesquels, voyant si grande compagnie, voulurent prendre la fuite, mais Hircan et ses compagnons les suivèrent de si près qu'ils y laissèrent la vie. Et quand le dit Hircan fut retourné, trouva que celui qui estoit en chemise estoit un de leurs compagnons, nommé Géburon, lequel leur conta comme estant en une borde auprès de Perthite, arrivèrent trois hommes, lui estant en licte. Mais tout en chemise, avec son épée seulement, en blessa si bien un qu'il demeura sur la place, et, tandis que les deux autres s'amusèrent à recueillir leurs compagnons, voyant qu'il estoit nu et eux armés, pensa qu'il ne les pouvoit gagner, sinon à fuir, comme le moins chargé d'habillement, dont il louait Dieu, et eux qui en avaient fait la vengeance. Après qu'ils eurent roi la messe et Disney, envoyèrent Véa s'il estoit possible de passer la rivière du Gave et, commuassant l'impossibilité du passage, furent en merveilleuse crainte, combien que l'abbé plusieurs fois leur offrit la demeure du lieu, jusque à ce que les eaux fussent abaissées, ce qu'ils accordèrent pour ce jour. Et au soir, en s'en allant coucher, arriva un vieil moine, qui tous les ans ne faillait point à la Notre-Dame de septembre à Sérance, et, en lui demandant des nouvelles de son voyage, d'est-ce que, à cause des grandes eaux, estoit venu par les montagnes et par les plus mauvais chemins qu'il avoit jamais faits, mais qu'il avouait une bien grande pitié. C'est qu'il avoit trouvé un gentilhomme nommé Simonteau, lequel, ennuyé de la longue demeure que faisoit la rivière à s'abaisser, s'estoit délibéré de la forcer, se confiant à la bonté de son cheval, et avoit mis tous ses serviteurs alentour de lui pour rompre l'eau. Mais, quand ce fut au grand cours, ceux qui estoient le plus mal montés furent emportés, malgré hommes et chevaux, tout avale l'eau sans jamais en retourner. Le gentilhomme, se trouvant seul, tourna son cheval, dont il venoit, que ni ce testre si promptement qu'il ne faillit sous lui. Mais Dieu voulut qu'il fût si près de la rive que le gentilhomme, non sans boire beaucoup d'eau, se traînant à quatre pieds, saillit dehors sur les durs cailloux, tant las et fouable qu'il ne se pouvoit soutenir. Il lui advint si bien que un berger, ramenant au soir ses brebis, le trouva assis parmi les pierres, tout mouillé, et non moins triste de ces gens qu'il avait vu perdre devant lui. Le berger, qui entendoit mieux sa nécessité, tant en le voyant qu'en escoutant sa parole, le print par la main et le mena en sa pauvre maison, où avec petite bûchette le sécha le mieux qu'il peut. Et ce soir-là, Dieu y amena ce bon religieux qui lui enseigna le chemin de Notre-Dame de Sérence et l'assura que là, il sera mieux logé qu'en autre lieu, et y trouveroit une ancienne veuve nommée Oisille, laquelle estoit compagne de ses aventures. Quand toute la compagnie oit parler de la bonne dame Oisille et du gentil chevalier Simonteau, eurent une joie inestimable, louant le Créateur qui, en se contentant des serviteurs, avoua sauver les maîtres et maîtresses, et, surtout, en loua Dieu de bon cœur par l'amante, car longtemps avoua qu'elle l'avoua très affectionné serviteur. Et, après s'être tranquille diligemment du chemin de Sérence, combien que le bon vieillard le leur fait fort difficile, pour cela se laissèrent d'entreprendre d'y aller, et, dès ce jour-là, se mirent en chemin si bien en ordre qu'il ne leur falloit rien, car l'abbé les fournit de vin et force vivres, et de chantiques compagnons pour les mener sûrement par les montagnes, lesquelles passèrent plus à pied qu'à cheval. En grande sueur et travail, arrivèrent à Notre-Dame de Sérence, où l'abbé, combien qu'il fût assez mauvais homme, ne leur osa refuser le logis, pour la crainte du seigneur de Béarn, dont il savait qu'ils estoient bien aimés, mais lui, qui estoit vrai hypocrite, leur fait leur meilleur visage, qu'il estoit possible, et les mena voir la bonne dame, Oisille, et le gentilhomme, Simonteau. La joie fut si grande en cette compagnie, miraculeusement assemblée, que la nuit leur sembla courte à louer Dieu dedans l'église, de la grâce qu'il leur avoit faite, et, après que sur le matin eurent pris un peu de repos, allèrent voir la messe, et tous recevoir le saint sacrement de union, auquel tous chrétiens sont unis en un, suppliant celui qui les avoit assemblés par sa bonté, parfaire le voyage à sa gloire. Après Disney, envoyèrent savoir si les eaux estoient pointes, escoulées, et, trouvant que plutôt elles estoient creux, et que de longtemps ne pourroient sûrement passer, se délibérèrent de faire un pont sur le bout des deux rochers, qui sont fort près l'un de l'autre, où encore il y a des planches pour les gens de pied qui, venant d'Oléron, ne veulent passer par le Gave. L'abbé fut bien aise qu'il faisoit cette dispense afin que le nombre des pèlerins et pèlerines augmentasse les fournit d'ouvriers. Mais il n'y meste pas un denier, car son avarice ne le permectoit. Et pour ce que les ouvriers dirent qu'ils ne sauraient avoir fait le pont de 10 ou 12 jours, la compagnie, tant d'hommes que de femmes, commença fort à s'ennuyer, mais par l'amante, qui estoit femme de Hircan, laquelle n'estoit jamais oisive, née mélancolique, ayant demandé congé à son mari de parler, dist à l'ancienne dame Oisille, « Madame, je m'esbahis que vous, qui avez tant d'expérience, et qui maintenant à nous, femmes, tenez lieu de mère, ne regardez quelque passe-temps pour adoucir l'ennui que nous porterons durant notre longue demeure. Car, si nous n'avons quelque occupation plaisante et vertueuse, nous sommes en danger de demeurer malades. » La jeune veuve Longarine adjusta à ce propos, « Mais qui pisait, nous deviendrons fâcheuses, qui est une maladie incurable, car il n'y a nul n'est nul de nous si regarde à sa perte qu'il n'ait occasion d'extrême tristesse. » En ensuite, tout en riant, lui répondit, « Chacune n'a pas perdu son mari comme vous, et, pour perte des serviteurs, ne se faut désespérer, car l'on en recouvre assez. Toutefois, je suis bien d'opinion que nous ayons quelque plaisant exercice pour passer le temps, autrement nous serions mortes le lendemain. » Tous les gentilshommes s'accordèrent à leur avis et prièrent la dame Oisil qu'elle voussiste ordonner ce qu'ils avoient à faire, laquelle leur respondait « Mes enfants, vous me demandez une chose que je trouve fort difficile de vous enseigner, un passe-temps qui vous puisse délivrer de vos ennuis, car, ayant cherché le remède toute ma vie, n'en ai jamais trouvé que un, qui est la lecture des saintes lettres, en laquelle se trouve la vraie et parfaite joie de l'esprit, dont procède le repos et la santé du corps. Et si vous me demandez quelle recette me tient si joyeuse et si saine sur ma vieillesse, c'est que, incontinent que je suis levée, je prends la sainte Écriture et la lis, et en voyant et contemplant la bonté de Dieu, qui pour nous a envoyé son Fils en terre annoncer cette sainte parole et bonne nouvelle, par laquelle il permet rémission de tout péché, satisfaction de toute dette par le don qu'il nous fait de son amour, passion et mérite. Cette considération me donne tant de joie que je prends mon psaltier et, le plus humblement qu'il m'est possible, chante de cœur et prononce de bouche les beaux psaumes et cantiques que le Saint-Expéri a composés au cœur de David et des autres auteurs, et ce contentement-là que je en ai me fait tant de bien que tous les maux que le jour me peuvent advenir me semblent être bénédictions. Veux que j'aie en mon cœur, parfois, celui qui les a portés pour moi. Pareillement, avant souper, je me retire pour donner pasture à mon âme de quelques leçons, et puis au soir, fais une recollection de tout ce que j'ai fait la journée passée pour demander pardon de mes fautes, le remercier de ses grâces, et en son amour, crainte et paix, prends mon repos assuré de tout maux. Par quoi, mes enfants, voilà le passe-temps auquel me suis arresté longtemps après avoir cherché en tous autres et non trouvé contentement de mon esprit. Il me semble que si tous les matins vous voulez donner une heure à la lecture et puis, durant la messe, faire vos dévotes oraisons, vous trouverez en ce désert la beauté qui peut être en toutes les villes, car quiconque noisse de Dieu verra toutes choses belles en lui. Et sans lui, tout l'est. Par quoi, je vous prie, recevez mon conseil, si vous voulez vivre joyeusement. » Hircan prend la parole et dit, « Madame, ceux qui ont la sainte Écriture, comme je crois que nous tous avons fait, confessent que votre dict est tout véritable. Mais si faute il que vous regardez que nous sommes encore si mortifiés, qu'il nous faute quelques passe-temps et exercices corporels. Car, si nous sommes en nos maisons, il nous faute la chasse et la volerie qui nous fait oublier mille folles pensées, et les dames, en leur mesneige, leur ouvrage, et quelquefois les danses, où elles prennent honneste exercice, qui me fait dire, parlant pour la part des hommes, que vous qui êtes la plus ancienne, nous lirez au matin de la vie que tenoit notre Seigneur Jésus-Christ, et les grandes et admirables œuvres qu'il affecte pour nous. Pour après Disney, jusque à vespre, faut choisir quelque passe-temps qui ne soit dommageable à l'âme, soit plaisant au corps, et ainsi passeront la journée joyeusement. » La dame Oisil leur dit qu'elle avoit tant de peine de oublier toutes les vanités, qu'elle avoit paour de faire mauvaise élection à tel passe-temps, mais qu'il falloit remettre cette sphère à la pluralité d'opinions, priant Hircan d'être le premier opinant. « Quant à moi, disent-ils, si je pensois que le passe-temps que je voudrois choisir fût aussi agréable à la compagnie comme à moi, mon opinion sera bientôt dicte, dont, pour cette heure, m'éterrai et en croirai ce que les autres diront. » Sa femme parlemente commença à rougir, pensant qu'ils parlassent pour elle, et un peu de colère et demi en riant lui disent, « Hircan, pour être que celle que vous pensez qui en devoir être la plus marie, aura bien de quoi se récompenser s'il lui plaisoit. Mais laissons là les passe-temps où deux seulement peuvent avoir part, et parlant de celui qui doit être commun à tous. » Hircan dit à toutes les dames, « Puisque ma femme a si bien entendu la glose de mon propos et que un passe-temps particulier ne lui plaise pas, je crois qu'elle saura mieux que nul autre dire celui où chacun prendra son plaisir et de Sester, je m'en tiens à son opinion comme celui qui n'en a nul autre que la sienne. » À quoi toute la compagnie s'accorda. Parlamente, voyant que le sort de jeu estoit tombé sur elle, leur dit ainsi, « Si je me sens toi aussi suffisante que les anciens qui ont trouvé les arts, je inventerai quelque passe-temps ou jeu pour satisfaire à la charge que me donnait, mais, cognoissant mon savoir et ma puissance, qui à peine peuvent remémorer les choses bien faites, je me tiendrai bien heureuse d'en suivre de près ceux qui ont déjà satisfait à votre demande. Entre autres, je crois qu'il n'y a nul de vous qui n'ait lu les 100 nouvelles de Boccas, nouvellement traduites d'italien en François, que le roi François Ier de son nom, Monseigneur le Dauphin, Madame la Dauphine, Madame Marguerite, font tant de cas que, si Boccas du lieu où il estoit les eût pu voir, il est devoir ressusciter à la louange de telle personne, et à l'heure, joie les deux dames de s'y nommer, avec plusieurs autres de la cour qui se délibèrent d'en faire autant. Sinon, en une chose différente de Boccas, c'est de n'escrippe nulle nouvelle qui ne soit véritable histoire. Et prosmire les dictes dames et Monseigneur le Dauphin avec, d'en faire chacun 10 et d'assembler jusque à 10 personnes qu'ils pensoient plus dignes de raconter quelque chose, sauf ceux qui avoient étudié et estoient gens de lettres. Car Monseigneur le Dauphin ne vouloit que leur art y fût mêlé, et aussi de peur que la beauté de la rhétorique fait tort en quelque partie à la vérité de l'histoire. Mais les grandes affaires survenues au roi depuis, aussi la paix entre lui et le roi d'Angleterre, l'accouchement de Madame la Dauphine et plusieurs autres choses dignes d'empêcher toute la cour, affectent m'être ennobli du tout cet entrepince que par notre long loisir pourra en 10 jours être mis à fin, attendant que notre pont soit parfait. Et, s'il vous plaît que tous les jours, depuis midi jusqu'à 4 heures, nous allions dedans ce beau pré, le long de la rivière du Gave, où les arbres sont si feuillés que le soleil ne saura percer l'ombre ni échauffer la fraîcheur, là, assises à nos aises, dira chacun quelque histoire qu'il aura veut, ou bien oua dire à quelque homme digne de foi. Au bout de 10 jours, auront parachevé la centaine, et si Dieu fait que notre labeur soit trouvé digne des aïs, des seigneurs et dames dessus nommés, nous leur en ferons présent au retour de ce voyage, en lieu d'Image ou de Patnostre, estant assurés qu'ils auront ce présent ici plus agréable. Que si quelqu'un trouve quelque chose plus plaisante que ce que je dise, je m'accorderai à son opinion. Mais toute la compagnie répondit qu'elle n'estoit possible d'avoir mieux advisé et qu'il leur tardoit que le lendemain fût venu pour commencer. Ainsi passèrent joyeusement cette journée, ramantevant les uns aux autres de ce qu'ils avoivent de leur temps. Sitôt que le matin fut venu, s'en allèrent dans la chambre de Madame Oisille, laquelle trouvèrent déjà en ses oraisons, et quand ils eurent toi une bonne heure sa leçon, et puis dévotement la messe, s'en allèrent dîner à 10 heures, et après se retira chacun en sa chambre pour faire ce qu'il avoit à faire, et ne faillirent pas à midi de s'en retourner au pré, selon leur délibération, qui estoit si beau et plaisant qu'il aura besoin d'un Boccas pour le dépeindre à la vérité. Mais vous vous contenterez que jamais n'en fût un plus beau. Quand l'assemblée fut tout assise sur l'herbe verte, si noble et délicate qu'il ne leur falloit carreaux ni tapis, Simonto commença à dire « Qui sera celui de nous qui aura commencement sur les autres ?» Hircan lui répondit « Puisque vous avez commencé la parole, c'est raison que vous commandiez, car au jeu, nous sommes tous égaux. Pleut à Dieu, dit Simonto, que je n'eusse bien en ce monde que de pouvoir commander à toute cette compagnie. À cette parole, Parlamente l'entendit très bien, qui se print à tousser, par quoi Hircan ne s'aperçut de la couleur qui lui venoit aux joues, mais dit à Simonto qu'il commençast, ce qu'il fait. Fin du prologue.